si on veut être poli, lustré. Tout ce qu'on va dire va aussi, par notre propre politesse, réfléchir sur eux, et ça ne colle pas. Quand moi je parle de l'enfant, je ne parle pas évidemment de l'adulte. Ce que je veux dire, c'est que lorsque je parle de l'enfant, je ne parle pas de l'adulte lorsqu'il était enfant. Lorsque je parle de l'enfant, je ne parle pas du prototype qu'était l'enfant il y a 20 ou 30 ans, sinon 10 ans, et qui maintenant est un adulte. Lorsque je parle de l'enfant, je parle différemment de la majorité des adultes qui, lorsque eux parlent de l'enfant, parlent de comment ils étaient eux lorsqu'ils étaient jeunes. Et comme ils étaient eux, comme ils étaient jeunes, les jeunes d'aujourd'hui se doivent d'être comme eux étaient. Donc, lorsque les adultes d'aujourd'hui parlent de l'enfant, ils parlent de l'adulte. Lorsque moi je parle de l'enfant, je parle de l'enfant. Alors, je ne peux pas me projeter moi en tant qu'adulte dans mes mémoires ou dans les annales akashiques, fouiller pour savoir comment je vivais des choses, comment je faisais ceci ou cela, et par la suite revenir dans ma vie d'adulte, instruire un enfant de ce qu'il doit faire. Parce que ça ne peut pas coller. Pendant des millions d'années, les enfants ont été similairement les mêmes. Ils ont été bafouables. Ils ont été manipulables. Ils ont été écrasables. Ils ont été élevables. Ils ont été un peu éducables. Ils ont surtout appris, au cours des milliers d'années, ces enfants, à ne plus se respecter, mais à respecter les autres, les plus grands, ou ceux qui avaient le plus d'autorité. Les enfants du passé ont aussi appris à être polis, à dire que c'est beau alors qu'ils le voilaient, à dire qu'ils aiment ça même s'ils n'aiment pas ça. Ils ont appris à être menteurs. Et en plus, ils ont appris à ne mentir que devant certaines personnes, mais pas devant d'autres. En l'occurrence, devant les voisins, mais pas devant les parents. Ils ont appris, ces enfants du passé, à devenir des êtres absolument contradictoires, qui acceptaient la contradiction comme étant le fait de ce monde. On est quand même humain. Ces enfants du passé ont aussi appris à travailler, mais ils ont appris à accepter l'exploitation. Ils ont même appris à vieillir et à trouver cela normal. Ils ont appris à espérer, mais à ne rien changer. Et ils ont appris à former la majorité silencieuse, ces enfants du passé. Et beaucoup de ces enfants du passé sont des adultes aujourd'hui. Et ces adultes ayant appris la vie comme cela, ne voient pas d'un très bon œil un jeune qui ne veut pas suivre le même chemin. Un jeune qui ne veut pas se laisser bafouer, mais qui envoie carrément promener l'adulte. Il ne voit pas non plus d'un bon œil un jeune qu'on ne peut pas manipuler en le culpabilisant, alors que ce jeune semble absolument sans cœur, non culpabilisable. Il a l'air de s'en foutre royalement. Et ces adultes ne voient pas non plus d'un bon œil un jeune qui a, dès l'âge de parole, la capacité de dire non et de supporter ce non. Alors les adultes ne voient pas ça. Leurs parents les ont chicanés, leurs parents les ont battus, leurs parents les ont forcés à faire des commissions, leurs parents les ont forcés à faire du ménage. Leurs parents les ont forcés à faire ce que leurs parents disaient, mais que leurs parents ne faisaient pas. Alors ces adultes, anciennement des jeunes, veulent aussi que leurs jeunes aujourd'hui fassent ce que les parents disent, même si les parents ne donnent pas l'exemple. Et lorsque le parent ne donnait pas l'exemple, il dit au jeune, « Dans mon temps, à ton âge, je n'ai pas eu la même chance que toi. Alors ne fais pas ce que j'ai fait. » Mais lorsque le même jeune décide de ne pas faire ce que l'autre a fait et de sortir le soir plus tard, le parent réplique, « Dans mon temps, lorsque j'étais jeune, je ne faisais pas ça. Alors fais comme je faisais. » Nos fenêtres n'étant pas solidement barrées, il y a des fugues. La télévision est une fugue, c'est une immense fenêtre vers le monde, et cela engendre ce que les Américains appellent des TV boys, ou girls, des enfants d'écran. Et ces jeunes, lentement, lorsqu'ils sont très jeunes, aujourd'hui, je ne parle pas des jeunes du passé, il y a des parallèles qu'on peut faire entre l'enfant ancien et l'enfant nouveau, l'enfant teflon, ce qui rien ne colle. Il y a des parallèles. Mais l'enfant nouveau, lui, va aussi fouiller dans le garde-robe ou dans l'armoire à savon en dessous de la cuisine, dans le lavabo. Il va goûter au SOS, comme l'enfant ancien goûtait aux guenilles. Il va mordre dans les chaudières de carton, de cire, de plastique. Il va en mettre partout à terre, lui aussi. Il va essayer de se teindre les cheveux avec la jack liquide de sa mère. Et lorsque les parents vont rentrer, ils vont chicaner l'enfant. L'enfant ancien va pleurer, ne comprendra pas la réaction démesurée des parents bien souvent. Et il va accepter de ne pas fouiller dans l'armoire parce qu'il a peur de ses parents. Pas parce qu'il en comprend l'intelligence. Mais on va dire l'enfant est trop jeune et pas assez intelligent pour comprendre. Et ça, c'est le début de l'apprentissage chez l'enfant à être con, pour devenir un adulte convenable. Alors que l'enfant nouveau, s'il a le même âge, si vous le chicanez, il va vous piquer une crise. Oh, c'est évident que vos bras sont plus puissants que les siens. Et là, vous êtes lentement en train de bâtir un délinquant, une dynamite sociale, un danger public. Un jeune qui peut-être va réussir sa vie au détriment des éducateurs, au détriment de ses parents. Peut-être que malgré tous les efforts qu'on va faire, ce jeune va quand même réussir sa vie. Ça se peut, c'est rare. Mais peut-être aussi qu'à l'âge de 7 ans, 9 ans, 11 ans, 12 ans, 14 ans, il va se suicider. Écœuré, et totalement écœuré de ce monde. Alors, lorsque moi je vois un jeune se suicider, je parle d'un choix logique. Je parle d'un suicide logique. La problématique, c'est que les meilleurs partent. Et ceux qui restent pour éduquer sont souvent ceux qui n'ont pas eu la puissance de se respecter en tant qu'être humain et qui ont accepté lentement de devenir une collectivité, de passer de l'individu à la masse et d'engendrer la société. La société qui fait qu'à un moment donné, un antique enfant qui aimait sortir, habiller sale et jouer dans la boue en s'en allant à l'école et se frotter dans l'herbe, un antique enfant qui adorait cela devient un adulte maniaque qui habille son enfant propre, comme sa mère l'habillait, et qui lui dit « Ne te salis pas », et qui l'envoie à l'école. Alors que lui a déjà vécu cette honte d'être un enfant, il l'inculque maintenant à ses propres enfants. Mais il va dire « C'est parce que maintenant je comprends. Avant, j'étais jeune, je ne comprenais pas qu'en tant que jeune, j'avais le droit de m'amuser, j'avais le droit de me salir, parce que me salir faisait partie de ma découverte du monde. Me salir faisait partie de mon émancipation pour ne pas rester bloqué avec un paquet de préjugés inutiles qui font en sorte qu'à un moment donné, lorsque je me baigne dans l'océan, je n'arrive même pas à pisser dans l'océan lorsque j'ai envie. Quand j'étais jeune, je jouais comme ça pour apprendre à me libérer, c'est-à-dire, en réalité, pour rester libre. Mais maintenant que je suis un adulte convenable, je sais que la société regarde l'allure des parents à l'allure des enfants. Et mon enfant, je l'aime. Non, en réalité, mon enfant, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens pensent que je m'en occupe bien. Alors, je me balance de lui, il a beau crier, il a beau me donner les raisons qu'il voudra, je l'habille propre, et quand il revient sale, je le chicane. Et il va apprendre à faire correct. Si on serait dans une société de sales, il pourrait se salir. Étant dans une société de propre, il n'a pas le droit d'être lui, et il devra être propre. Il faut leur montrer ça jeune. Parce qu'après ça, ils sont irrécupérables. Eh bien oui. Si on laisse un enfant nouveau, un peu trop de lousse, il a le temps de se solidifier en tant qu'être individuel et en tant qu'être intelligent. Et nécessairement, à un certain âge, il va vous échapper. L'adulte ne peut plus le récupérer. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'intelligence dans l'enfant. Alors que s'il a été élevé, paramétré, mis dans un carcan social, l'intelligence sera étouffée et naîtra chez lui l'intellectuance. Il y a le loup qui court dehors, qui se salit et qui se lave, et qui se bat de temps en temps pour un territoire, mais qui jamais ne tue un congénère. Le loup qui tue pour se nourrir, mais qui jamais ne tue pour le plaisir, pour s'amuser. Et il y a le chien, parallèle du loup. Mieux que le loup, parce qu'il est dans une maison chauffée l'hiver, parce qu'on lui donne sa bouffe en canne tous les jours. Parce qu'on le flatte, parce qu'on lui frotte la bedaine, parce qu'on le fait opérer, parce qu'on l'attache, parce qu'on le dresse à attaquer ceux qu'on a peur. Parce qu'on lui dit, si un jour un voleur rentre avec une arme à feu, c'est toi qui devras me protéger, le cave. Saute dessus. Si tu, j'aurai le temps de sortir. Parce qu'il lui dit aussi à ce chien, tu es mieux que le loup. Parce que tu amènes mon journal, tu amènes mes pantoufles, parce que tu me réchauffes quand j'ai froid. Parce que tu me distrais quand je m'ennuie. Cher objet, tu es mieux que le loup. Hélas, énormément de... On parle de zoothérapie, n'est-ce pas? Il y a énormément de parents qui s'ennuient, qui ne sont pas sûrs de leur couple et qui, à un moment, décident de mettre un chien au monde. Ils se disent, si j'aurais un petit enfant, je pourrais lui changer les couches, lui jouer dans le nombril, lui gratter la tête. Je pourrais le montrer. Je pourrais dire, notre mariage est maintenant soudé. Avec un enfant comme responsabilité, on est sûr de ne pas se séparer quand même. Je pourrais aussi me sentir comme toutes les mamans ou tous les papas. Je serais dans une vraie famille. Je l'éduquerais, je lui montrerais les plaisirs de la vie, c'est-à-dire mes plaisirs à moi. Je lui dirais ce qui est beau et ce qui est laid. Et ce petit enfant, je lui dirais aussi quand aller chercher mes cigarettes au magasin, quand apporter mes pantoufles, quand se laisser gratter la tête parce que je m'ennuie, quand sortir avec moi main dans la main. Ah, bien sûr, il y aurait les obligations sociales. Je devrais faire vacciner mon chien. Je devrais peut-être le faire dresser, c'est-à-dire que je l'envoie à l'école. On le vaccine, on le dresse aussi. On lui montre la morale. On lui montre la politesse. On lui montre aussi à compter. Et lorsqu'il rentre à la maison, il doit rentrer à la bonne heure. Il ne doit pas suivre, il ne doit pas rester avec les chiens de ruelle, les enfants de ruelle, les autres. Non. Il doit être comme un petit caniche que j'amène chez le tondeur et que je lui fais faire la coupe qui me plaît, qu'il le veuille ou pas. Je lui achète une casquette alors qu'il veut une tuque, mais je préfère, moi, les casquettes. Je lui achète un grand manteau propre, l'hiver. Quand il rentre tout mouillé, je l'engueule. C'est de sa faute si la neige fond. Il n'y a rien qui a pas s'asseoir dedans. Alors, cet enfant, comme ce chien, mieux que le loup, apprendra. Et il fera plein de choses toute sa vie, même en tant qu'adulte. Bien souvent, la majorité de ce qu'il va faire, il ne saura pas pourquoi il le fait. Mais il sait qu'il y a une récompense au bout. Première récompense, son maître l'apprécie. La société le trouve correct. Ou les voisins. Deuxième récompense, il aura peut-être la chance de réussir sa vie. Au minimum, il aura été honnête. Pauvre, mais honnête. Et quand il sera mort, pauvrement et honnêtement, on l'oubliera comme le riche. Il est bien évident que l'enfant qui est de maintenant un adulte vit et risque fortement de vivre une immense frustration en voyant le jeune qui maintenant tente de plus en plus de rester libre. Parce qu'il se dit, si le petit orieux réussit, ça va prouver que j'ai été un maudit imbécile, moi, de manquer mon coup. Et la meilleure chose, c'est que si on les empêche de réussir, on pourra toujours se dire, ben, toi, c'était pas faisable. Mais par contre, l'enfant Teflon, différemment de l'enfant ancien ou des enfants qui ont habité la Terre ces quelques derniers millénaires, est un enfant sur qui toutes les choses anciennes, toutes les choses du passé, toutes les vieilles choses, toutes les traditions sociales, théologiques, morales, ne collent pas. Ça ne colle pas dessus. Alors, il y a un problème majeur. Dans l'observation même d'un enfant Teflon, on peut découvrir que chez soi, peut-être, habitent encore des morceaux de cet enfant. De cet enfant intelligent, curieux, fonceur, mal appris, qui a été méprisé par notre société parce qu'il dérangeait le passé, parce qu'il dérangeait la tradition, parce qu'il osait poser une question au prêtre pendant la messe, le cave. Parce qu'il osait dire à un professeur, « Vous avez une crotte de nez sur le bord de la lèvre. » « parce qu'il osait arriver en retard. Parce qu'à un moment donné, il faisait juste un petit peu trop beau dehors. Oh, on comprend qu'un enfant aime rester dehors quand il fait beau. Ouais. Mais il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne quoi? À plus aimer ça, rester dehors quand il fait beau. Ah bon. À un moment donné, on pourrait lui fournir un fauteuil confortable, écrasé dans sa maison. Quand il sera un peu plus âgé, il va lire son journal, il va demander à son chien ou à ses enfants de lui apporter ses cigarettes. Puis il sera convenable. Imaginez un enfant de 12 ou 13 ans qui gambade sur le trottoir. Imaginez qu'est-ce qu'il va avoir de l'air à 14 ans en gambadant comme ça. Imaginez une personne de 26 ans, 30 ans, qui s'en va en gambadant. On commence à penser qu'elle est folle. Imaginez à 55 ans que la personne s'en va en gambadant. Là, elle est folle. Pourquoi elle est folle? Parce qu'elle n'est pas normale. Elle n'est pas aplatie dans la normalité. Elle est naturelle. C'est pas normal d'être naturel. Ça nous fait mal. Ça nous fait peur et ça nous fait mal. Alors, notre normalité, notre société, nous autres, pour ne pas souffrir, bien, on bûche. On appelle ça l'éducation. La problématique, c'est que l'enfant ancien avait des caractéristiques génétiques, réincarnationnelles, lui permettant de devenir intelligent. Et c'était des caractéristiques, des caractères presque récessifs. Il avait tout ce qu'il fallait pour devenir savant, intellectuellement. Pourquoi tu ne te mouches pas avec tes manches ou avec la nappe? Demande un imbécile à un adulte dans un restaurant. Et l'adulte te répond, « Mais voyons, on y est, ça ne se fait pas. » Si c'est un enfant à nouveau qui est en avant, il va vous montrer que ça se fait. Parce que ça se fait. La preuve? Voilà, ça se fait. C'est quoi le problème? Il lave les nappes de toute façon. Tu as mis de la soupe dessus. Mettre de la soupe dessus, c'est comme un accident. Se moucher, c'est difficilement un accident. Alors, on peut dire, bien, prends la napkin. Puis encore là, il y a un paquet qui vont hésiter si la napkin est en tissu. Comme s'il la refilait à chaque client. Mais s'il la refile à chaque client, mouchez-vous dedans. Au moins, celle-là, ils ne la refileront pas. Oui, mais qu'est-ce que notre monde va avoir de l'air si tout le monde commence à se moucher en même temps sur les nappes des restaurants? Avons-nous tous le rhume en même temps? Bonne question. Deuxièmement, ça va faire quoi? On va rire les premières dix années, puis après ça, ça va être normal. C'est comme sortir en bedaine sur le balcon d'en avant. Avant, c'était illégal, il fallait sortir sur le balcon d'en arrière. Parce que les passants n'aimaient pas ça. En arrière, c'est la ruelle, c'est les guignoux, c'est les tout nus qui passent en arrière. C'est pas grave si vous voyez du monde en bedaine sur le balcon. Ou les femmes en bikini ou en costume de bain. Oh, c'était pas grave. Mais en avant, c'était royalement indécent. Oh, on permettait aux enfants, jusqu'à 5-6 ans. L'enfant Teflon est un enfant intelligent de par sa nature. L'enfant ancien, ce que nous avons dans la majorité des cas été, étions potentiellement intelligent. Qu'est-ce que c'est qu'être intelligent? Intelligent, c'est être capable de savoir une chose avant de l'avoir apprise. Être intelligent, c'est être capable de savoir une chose sans l'avoir apprise. Être intelligent, c'est être capable de savoir ce qu'on a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'on le sache. C'est ça, être intelligent. Être intellectuel, ce que la majorité des humains de la planète sont, cela veut dire être capable de se remémorer ce que nous avons appris. Et si on n'a pas suffisamment le contrôle de la mémoire, on a tous autant de mémoire les uns que les autres, mais on ne la contrôle pas toutes. Alors, si on n'a pas le même contrôle de la mémoire, eh bien, on va dire, ton degré d'intellectuance, ton quotient intellectuel est moins bon. Ça se développe, l'intelligence. Moins l'être humain apprend, et plus il est confronté à des situations, plus il développe son intelligence. Par contre, plus l'être humain apprend, et moins il est confronté à des situations, plus il développe son intellectuance. Qu'est-ce qu'on fait dans les écoles? On empêche l'intelligence de naître. On pousse l'intellectuance. Tout est conforme. Il commence à telle heure, Il y a tant de minutes de ceci, tant de minutes de cela, puis c'est récréatif, à un moment donné, pas qu'il crie trop, il mange. Et tout est coordonné de A à Z, même à la maison, quand est-ce qu'il fait ses devoirs, tout. Et on le remplit. On le bourre de mémoire, mais on ne lui montre pas comment apprendre. Alors l'enfant qui ne sait pas comment apprendre et qui ne sait pas qu'il peut apprendre de lui-même devient un animal. Il devient un être savant, un intellectuel. Chez l'enfant nouveau, chez l'enfant Teflon, ça ne passe pas. Il y a des adultes qui vivent aussi cette apparition de l'intelligence, qui sont des espèces d'hommes ou de femmes transitives, des enfants Teflon. Dans un corps d'adulte, mais ça ne change rien. Parce que c'est la même, ce sont les mêmes symptômes psychologiques. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant Teflon? Il se passe simplement qu'il est intelligent. Alors, chaque fois qu'on lui dit une chose stupide, il n'a même pas besoin de vérifier, il sait que c'est stupide. Exemple. Exemple de choses stupides qu'on dit à un enfant Teflon. On lui dit, t'as-tu fait ta prière? Ça, c'est un exemple de choses stupides qu'on dit à un enfant Teflon. Parce que si c'est un enfant Teflon, il va vous poser la question, toi, tu l'as-tu fait? Et si le parent dit, hey, t'as pas à me répondre, l'enfant Teflon va dire, parfait, je te réponds pas. Et le parent va dire, t'as-tu fait ta prière? Je ne te réponds pas. Et après un ou deux ou trois années de communication comme ça, l'enfant ne communiquera plus avec le parent. Puis le parent ne le contrôlera pas. Vous prenez un enfant Teflon et puis vous lui posez une autre question niaiseuse. Te rends-tu compte que quand tu arrives en retard, ça m'inquiète? Il n'y a rien de plus niaiseux que ça pour un enfant Teflon de se faire dire que parce qu'il arrive en retard, ça inquiète l'autre. Parce qu'il n'y a pas un enfant Teflon sur la planète qui va considérer qu'il doit devenir esclave de l'autre parce que l'autre est trop faible ou trop mal bâti puis il s'inquiète quand il n'est pas là. L'enfant Teflon va répondre, « Ben, inquiète-toi plus. » C'est simple. Continuellement, tout ce que la majorité des éducateurs, parents, professionnels, enseignants disent à un enfant Teflon, est proche du ridicule. J'assistais à un moment donné à l'ouverture d'une polyvalente. Et le directeur, je ne sais pas ce qu'il s'attendait à diriger, mais il ne se dirigeait pas lui, il ne dirigeait pas grand monde non plus. Peut-être les professeurs. Le principal, donc le directeur, il commence son discours. Il commence à motiver les jeunes pour qu'ils ne lâchent pas l'école. Alors qu'un enfant Teflon n'a rien à foutre de la motivation, ce qu'il veut, c'est une raison intelligente d'aller à l'école. Il n'y a pas un seul adulte qui peut y en donner une. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune raison intelligente d'aller à l'école. Il n'y en a pas. J'ai souvent jasé avec des professeurs. J'ai discuté avec des orienteurs. Et toutes les raisons qu'ils me donnent sont des raisons émotives, des raisons traditionnelles qui ne collent pas chez un enfant nouveau. Ça ne colle pas. Et par la suite, le directeur, il renchérit en disant, l'école, c'est important. Vous ne devez pas arriver en retard. Et après plus de trois retards, on vous retourne chez vous. À l'école, c'est important. Si on est trois fois en retard, ils nous clairent, ils ont eu la maison. C'est où l'importance de l'école? Moi, il me semble que si l'école serait importante après trois retards, non seulement tu iras tes cours, mais tu reprendrais le temps perdu après. Puis si tu es toujours en retard, c'est une mauvaise habitude. Mais si l'école, c'est important, on ne retourne pas chez vous. Voyons donc. Fait que s'il nous retourne chez nous, c'est que l'école, pas important tout. Puis il gagne sa vie à nous conserver ici. Puis il y a des élèves dans son école, puis il est payé. S'il n'y a plus d'élèves qui viennent, il perd son emploi. On le paye pour qu'il conserve les élèves à l'école. On le paye pour qu'il n'y ait pas trop d'absence, pas trop de retard. Mais après trois retards, on te retourne à la maison. C'est important, l'école. Et continuellement. Et le pire dans notre structure de communication avec l'enfant Teflon, c'est que rien ne colle. On va lui prouver, en tant qu'adulte, bien souvent, ce n'est pas des remontances que je fais, j'explique, je décris une situation sociale, familiale, scolaire. On va prouver, on passe nos journées bien souvent à prouver à ces enfants Teflon qu'on est des imbéciles. L'enfant Teflon, l'enfant nouveau, est intelligent. Autrement dit, chaque fois que vous lui mentez, il le sait. Il n'a pas besoin d'expérience, c'est ça l'intelligence, il le sait. Chaque fois que vous vivez des contradictions psychologiques, il le sait. Et ça, lui, ne peut pas en vivre. Ça lui fait mal. L'enfant Teflon a un jeu. Il adore apprendre en jouant. Comme l'enfant ancien apprenait en jouant, n'est-ce pas? On jouait peut-être avec des G.I. Joe, avec des Barbie. Un peu avant, on jouait avec des poupées de guenilles, avec des affaires de bois, des petits chevals. On jouait avec des autos, des soldats de plomb. Après ça, des soldats de plastique. Finalement, on est un soldat nous-mêmes avec des paquets d'armes. On jouait à l'Indien ou au cow-boy. On jouait au bon puis au méchant. On jouait. Et on apprenait la vie d'adulte. On aimait ça, faire semblant de passer l'aspirateur tant que ce n'est pas un vrai aspirateur. On aimait ça, suivre la tondeuse à gazon tant qu'on n'a pas besoin de la pousser pour le vrai. On aimait ça, faire l'épicerie tant qu'on était assis dans le carrosse. C'était bien. On aimait. On jouait et on apprenait ce que nous aurions à faire une fois adultes. L'enfant Teflon joue et il apprend ce qu'il fera une fois adulte. Et que c'est donc pareil. Mais il y a une grosse nuance. L'enfant Teflon ne joue pas au cow-boy. Il ne joue pas au bon ou au mauvais. L'enfant Teflon, non. L'enfant Teflon ne joue pas non plus à passe l'aspirateur ou au Barbie ou au G.I. Joe. L'enfant Teflon ne joue pas à ça. Le jeu chez l'enfant, c'est la digestion des mémoires réincarnationnelles qui descend chez eux 24 heures sur 24, comme d'ailleurs cela se fait tout au long de la vie d'un adulte. À un moment donné, l'enfant réincarne des mémoires de vie antérieure qui l'assujettissent à avoir le goût de se battre, qui l'assujettissent à avoir le goût de jouer à l'Indien, qui l'assujettissent à avoir le goût à jouer au navigateur, à jouer à la princesse, à la maître d'école, à jouer au cow-boy. Vous savez que, il y a de cela quelques dizaines d'années, les jeux favoris étaient le cow-boy et l'Indien. Parce que c'est ces gens qui se réincarnaient. Aujourd'hui, on joue beaucoup plus à la guerre. C'est les morts de la Première et Deuxième Guerre mondiale qui se réincarnent. Et prochainement, on va jouer à d'autres jeux, parce que ce sera des gens plus proches de notre temps qui vont se réincarner. Le jeu de l'enfant change, non pas en fonction, il n'apprend pas ce qu'il fera, il digère et réintègre des mémoires de vie antérieure. C'est ce qui le stimule à jouer. Cela veut dire qu'on ne peut pas prétendre offrir un cadre de jeu à un enfant. De dire que d'offrir des mitraillettes, des grenades et des choses comme ça à nos enfants aujourd'hui les rend violents, c'est faux. Et c'est vrai. C'est l'enfant qui choisit le jeu. Les compagnies de jouets n'offrent pas de nouveautés, ils ne créent pas de besoins. Ils s'ajustent aux besoins de l'enfant. Certains vont dire, oui, mais c'est la télévision qui les stimule. Non, les films de cow-boys, ça ne pogne plus. On a digéré les mémoires qui se réincarnaient des cow-boys. Les enfants, ils n'ont plus rien digéré de ça. Platoon, ça les intéresse. Des choses dans le genre, oui. Et d'autres choses. Des mémoires mélangées qui proviennent de différentes époques. Alors, la guerre des étoiles, oui, parce que c'est du cow-boy, c'est de la féodalité, c'est du moderne, c'est de la science. Au Québec, comme aux États-Unis, énormément de ceux qui se réincarnent étaient des bols. Et l'enfant qui vient au monde est un enfant de Teflon, c'est un génie, un adulte dans un corps petit. Alors, lui aussi, il va jouer. Il va se développer, il va intégrer ce qu'il était. Il va apprendre à transformer son corps en fonction de ce qu'il doit réincarner. Il va jouer. Et qu'est-ce qu'il va jouer? La découverte du monde industriel. Il va jouer la découverte des forces militaires planétaires. Il va jouer la découverte de la puissance et du pouvoir sur l'homme. Comme cela est apparu dans les dernières décennies. Il va jouer. Et il va gagner. À quelle vitesse il va arriver? L'enfant Teflon apprend à manipuler et il sait que l'adulte est manipulable. L'adulte qui a peur quand il reçoit des comptes. Ah, l'enfant, on le voit aller. Il sait que l'adulte est faible. L'adulte qui fait juste dire, « Bon, faut que je rencontre ton professeur. Hé, maudit que j'aille ça, moi! » Bon, il sait comment que ses parents sont faibles. Faut qu'il rencontre la grosse maîtresse avec un bouton sur le nez. Puis on peur de la rencontrer. Moi, j'y parle d'en face, la grosse maîtresse. C'est d'ailleurs pourquoi elle veut rencontrer mes parents. Alors, il vibre, hein? Il est assis dans l'automobile, puis il regarde les parents conduire leur auto. Ça crie. Ça chiale. Ça rouspète pour rien. Il dit, il décode, il sait. Alors, à un moment donné, quand on lui dit « Fais ceci », quand il répond « Non », c'est un test, le premier non. Il veut voir si lui est maintenant prêt à affronter le monde. Alors, si on insiste, il va s'énergiser, il va conserver son nom. Vous savez qu'un enfant de Teflon, on lui donne des gâteries, on l'achète. Il va prendre les cadeaux. Ça n'a pas dit qu'il va le faire. Il va prendre des cadeaux. L'enfant Teflon, on le menace. Ah ben là, il nous glisse carrément entre les mains. On le chicane, on le perd totalement. On le bat, limez-lui les dents, il ne changera pas d'idée. Il est peut-être suffisamment diplomate pour dire « OK, OK, je ne le ferai plus! » Méfiez-vous pas sur lui. Son bordel de chambre, il va vous répondre « C'est ma chambre. » Puis si tu la veux propre, tu sais quoi faire. De toute façon, il sait que la bonne femme, elle résiste jamais longtemps au désordre. Elle fait finalement toujours la chambre. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. Il aime ça aussi, une chambre propre. Il aime ça aussi, avoir une femme de ménage, lui. Jeune. Il aime ça. Pourquoi il ferait son ménage de chambre? Lui donne une raison logique. Faut que tu fasses ta chambre parce que moi, j'aime ça quand t'es fait. Non. Voyons. Fais le bordel dans ta chambre, j'aime ça quand il est bordel. Vas-tu le faire? Non, mais moi, je fais pas le ménage de ma chambre. C'est simple. C'est logique. Alors, il y a des adultes totalement férus de tradition qui vont dire... Tu vois qu'après 3-4 taloches, si un jour il s'achète des poids et altère, checkez-vous. L'enfant Teflon, ça ne prend pas sur lui. Je veux que tu fasses ta chambre parce que c'est comme ça. Battez-le, il va vous tirer une chaise en pleine face. Alors, il arrive que de plus en plus, il y a des enfants Teflon. Des enfants nouveaux. Encore, la majorité sont très jeunes, assez que les parents ne voient pas encore les chaises revenir vers eux. Il faut faire bien attention. Parce qu'un enfant Teflon ne vous appartient pas, ni comme professeur, ni comme société, ni comme parent. Il s'appartient à lui. Et il devra accepter le monde dans lequel il est venu, parce qu'on ne pourra jamais l'intégrer de force. C'est lui qui va choisir. Alors, si on veut qu'il choisisse, on doit lui offrir de quoi acheter le monde. Toute sa vie de jeune, il apprend à ne pas se salir. Il apprend à ne pas péter. Il apprend à ne pas rôter à la table. Il apprend à dire merci. Il apprend à dire bonjour, comment ça va? Bonsoir quand c'est pas bonjour. Il apprend à se coucher à une certaine heure. Il apprend un paquet de choses. Des choses qu'il doit apprendre, comme par exemple ne pas laisser traîner toutes ses guenilles partout dans la maison. Sa chambre, on s'en fout de sa chambre, c'est son bordel. Le reste de la maison est collectif, le salon appartient à tout le monde. Si on est tous des cochons, pas de problème. S'il y en a juste un de propre, on doit faire une espèce d'ajustement. Mais l'enfant vient après les parents. Il vient au monde alors que les autres sont déjà installés. Il vient au monde alors que la société est déjà présente. Nécessairement, le monde dans lequel il arrive, lui, il n'appartient pas. Il appartient à ceux qui sont déjà là, qui l'ont entretenu et qui l'ont amélioré, dans la majorité des cas. Mais l'enfant qui vient au monde ne doit quand même pas venir au monde en esclave au nom du fait qu'il arrive après. Mais il ne peut pas prétendre tout changer non plus. Mais il a le doigt à son trou. L'enfant Teflon n'est pas culpabilisable. Alors, lorsqu'on lui dit « Fais le ménage de ta chambre, ça me ferait tant plaisir. » Oh, peut-être qu'il va le faire à un moment donné. Parce que là, ça le nourrit de vous voir sourire. Pas parce qu'il se sent coupable de ne pas le faire. À un moment donné, ça ne tentera pas, vous rentrez, puis là, vous faites, par exemple, vous vous mettez à faire une crise, ou vous pleurez, ou n'importe quoi. Ça ne touchera pas. Peut-être qu'il va finir par dire « OK, OK, il m'a fait ma chambre! » Et parce qu'il veut sauver du temps, là, vous le têtez, là, vous criez, vous parlez, vous radotez tout le passé. Correct, juste pour vous faire taire, il peut le faire. Pas parce qu'il se sent coupable. Pour vous fermer la trappe. Puis quand il va l'avoir fait, continuez pas à chigner. Parce que là, c'est assez pour qu'il la remette en bordel. Il ne reprendra plus. Il n'est pas culpabilisable. Il a du cœur, il aime. Il aime d'un amour intelligent, pas d'un amour psychologique, pas d'un amour attachant. Et lentement, au cours de sa jeunesse, à force de voir que les adultes de ce monde ont peur de la mort, peur de la vie, peur des policiers, peur de l'impôt, peur de perdre leur emploi, peur de ne pas trouver d'emploi, peur de couler leur examen, peur de l'incendie, peur de se faire voler, peur de se faire attaquer la nuit, peur de sortir dans la ville, peur des accidents d'automobile, peur de la guerre nucléaire, peur de que la télévision cesse de marcher, peur que le film ait été loué avant eux autres, peur des paquets d'affaires. Puis en même temps, il entend. Il entend un grand moment qui dit « Ah, grand-papa est parti pour un meilleur monde. » Un meilleur monde. Clic, data numéro 1. Et il entend aussi, quand on le force, quand on le traîne à l'église, qu'on parle aussi d'un monde meilleur, un paradis, un ciel. Il entend parler d'un endroit où les gens sont justes, où il n'y a pas de pauvres, où il n'y a pas de maladies et où les films vidéo ne manquent pas. Il entend parler d'un nirvana, il entend parler d'un monde où apparemment le corps physique ne va pas. Et à un moment donné, cela se renforcit. C'est tante ou ma tante qui meurt. Elle avec. Elle est dans un monde meilleur. Et pendant qu'on lui parle du monde meilleur, on lui dit de faire ses devoirs. On lui dit de se moucher. On lui dit de rentrer à telle heure. On lui dit de ne pas écouter telle chose. On lui dit de ne pas jouer avec un tel. On lui dit tout ce qu'il doit faire. Alors qu'on se contredit en lui disant. Alors, à un beau moment donné, avec toute la publicité qu'on fait vers un monde meilleur, il va voir. Il se suicide. Il laisse des parents consternés. Il laisse des professeurs et des amis consternés. Il s'est suicidé logiquement. Il a simplement sacré son camp pour aller voir si vous étiez menteur jusque le bord. Fin. Alors, la société va dire, ben voyons donc, un suicide logique, ça ne se peut pas. Pourquoi ça ne se peut pas? Parce que ceux qui disent ça ne seraient pas capables d'en faire un. Mais qu'est-ce que c'est qu'un suicide? C'est mourir, se tuer. C'est une folie. C'est quand on est en dépression totale, quand on n'est plus capable de supporter la vie, quand on est royalement écœuré et qu'on perd même le contrôle de ce que nous sommes. Mais il y a des suicides logiques. Le moine bouddhiste qui s'immole par le feu, c'est un suicide logique selon son point de vue. Et les gens vont dire, ben oui, non, c'est un fanatique. Alors, c'est pas lui qui le dit, c'est les autres qui l'ont vu faire. Celui qui conduit une camionnette en Iran et qui traverse des barrières, soit de soldats français, américains, avec son camion rempli d'explosifs, puis qui s'en va tout faire sauter, lui y compris, de façon à causer des dégâts là de bord. C'est un suicide logique, ça? Il y a une raison là-dessous. C'est pas parce qu'il était déprimé. C'est pas parce qu'il était écœuré. Non, il est mort pour la cause. On va dire encore une fois que lui, c'était... Alors, prenons un exemple pour qu'on comprenne que le suicide chez l'enfant nouveau peut être très logique. C'est important qu'on le comprenne parce qu'on ne pourra jamais le contrer sans ça. La personne qui donne sa vie pour sauver la vie d'un autre, est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle est totalement perdue, droguée? C'est un suicide. La mère qui se jette sur son enfant quand un toit de maison tombe lors d'un tremblement de terre ou n'importe quoi pour le protéger puis qui se fait tuer, elle s'est suicidée pour la cause, son enfant. Mais c'est un suicide. Et on va dire, non, c'est un acte de courage. C'est ce que l'islam dit. Quand le gars saute avec son camion, c'est un acte de courage. Mais les ennemis disent, c'est un suicide fou. L'homme a effectivement la capacité de mettre fin à ses jours d'une façon logique. Et cette capacité de mettre fin à ses jours d'une façon logique prend une ampleur telle que même chez les adultes mal élevés, on parle de plus en plus d'euthanasie. Là, on parle de suicide si celui qui est malade accepte qu'on le tue, ou on parle carrément de meurtre si c'est l'extérieur qui décide que la pauvre personne malade, on la débranche, elle en a assez. On parle de meurtre, mais c'est un meurtre logique. Et celui qui dit « Je suis écœuré, laissez-moi donc mourir », c'est un suicide logique. Alors, si on peut arriver à comprendre, à placer dans notre structure traditionnelle l'idée que le suicide peut être logique, peut être une solution à un problème qu'on appelle la vie ou le monde, eh bien, on pourra commencer à comprendre un peu plus pourquoi, depuis quelques années, 4 jeunes par jour au Québec se suicident. Alors qu'il y a quelques années, c'était 1 jeune aux 4 jours qui se suicidait. La proportion est devenue absolument alarmante. Non seulement on ne met plus d'enfants au monde, mais ceux qu'on met au monde se suicident. Et les psychologues, les parents, les thérapeutes et tout le tralala ne peuvent pas expliquer. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on cherche la raison émotive. Chez le jeune Teflon, pas le nom de sa famille, celle-là, là, mais... Pourquoi il s'est suicidé? Il avait 12 ans. Il était mauvais à l'école. Très intelligent. Il était seul, individuel. Et pourtant, il n'avait pas l'air d'en souffrir. Il avait l'air à aimer ça, être seul. Mais peut-être qu'il s'ennuyait et on ne l'a pas vu. Non, un enfant Teflon ne vit pas en gang. Il reste seul. Il peut avoir 2-3 amis comme ça, mais... Puis il ne s'ennuie pas d'être seul. Il est bien seul. Là, on va dire qu'il y avait quelque chose de sous-jacent, quelque chose qui se tramait. Il était malheureux. Non! Il était heureux. Oui, mais il s'est suicidé. Ben oui. Il est allé voir l'autre bord. C'est un explorateur. Il n'a pas peur de vos punitions. Il n'a pas peur des menaces. Il n'a pas peur de la vie. Il n'a pas peur de parler à n'importe quel adulte en le regardant droit dans les yeux. Il n'a pas peur d'aller voir le principal ou le directeur de l'école. Ça l'amuse. Il n'a pas peur de la mort non plus. Alors que normalement, l'humain bien éduqué a peur de la mort. L'enfant Teflon regarde ses parents. Son père est malade. Sa mère a peur qu'il meure. Le bonhomme a peur de mourir. Il dort mal. On doit lui donner des narcotiques parce qu'il n'ose pas dormir. Il a peur de ne pas se réveiller ou de se réveiller mort. Et en même temps, on parle du petit Jésus l'autre bord qui l'attend. On parle que l'autre côté, il ne sera plus malade, il n'y aura pas de souffrance. L'enfant Teflon regarde son père et il dit, « Hey, coudon, le cave, meurs donc. Tu chiales, tu souffres, tu ne dors plus. L'autre bord, c'est le paradis. Puis tu t'accroches à tes couvertes. » Alors, lorsque le père est mort, l'enfant Teflon pleure pas. Il rit. Il t'éteint. Alors, l'humanité dit, mais il est sans cœur. C'est dégueulasse, c'est un monstre. Et les parents vivent un traumatisme, ou le parent et les autres, un traumatisme majeur. Certains vont aller jusqu'à prétendre que le bonhomme est mort à cause de son enfant. Bon, oui, ça dépend de l'âge de l'enfant, il l'a poussé. C'est amusant, c'est intéressant, ça occupe. L'enfant Teflon respectait son père pour ce que son père était respectable. Il ne peut pas respecter un adulte au-delà de cela. Tu honoreras ton père et ta mère s'ils sont honorables. Tu ne voleras point si tu n'en as pas le goût. Tu ne mentiras pas à toi pour commencer. Ce qui implique que tu peux maintenant faire ce que tu veux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit. J'ai rien contre. Quand on va le voir. L'aimer. Tu tu pardonneras à autrui comme tu aimerais qu'on te pardonne. Rien à foutre du pardon des autres. Et il pardonne à autrui parce qu'il se fout royalement de la rancune. Par contre, il va manipuler parce que c'est son jeu. Il se développe. Un enfant de Teflon qui ne se suicide pas et qui arrive à faire de l'école d'asphalte, l'ancienne école buissonnière, plus de buissons, faire de l'école d'asphalte suffisamment longtemps, sans se faire attraper, est normalement un bâtisseur de société. Il a manqué l'école tout le temps, on ne l'a pas pincé. Imaginez-vous bien qu'une entreprise, il va l'amener. Il va arriver à passer. Et là, il a appris à jouer avec les clés de la société. Quand on fait une rétrospective de ce que nous aimions, nous, lorsque nous étions jeunes, si on a la capacité de se permettre de fouiller convenablement et d'observer comment on voulait vivre jeune, on va, dans nos mémoires, retrouver l'idée qu'on avait le goût de rebâtir le monde, de refaire le monde. On parlait souvent de société pourrie. On trouvait l'école vraiment... Ceux qui aimaient aller à l'école aimaient avoir les petits collants dans le cahier, peut-être des choses de même monde. Plaisait à la maîtresse, faisait chier le reste de la classe. C'est intéressant. Être premier de la classe, être le chouchou. Alors que la maîtresse, elle avait un chouchou tous les années, puis elle t'oubliait carrément. Mais elle servait de toi pour te têter. Elle te collait, elle te jouait des cheveux. Elle se nourrissait énergétiquement. C'est pas mauvais. C'est bien qu'un adulte fasse ça. Mais elle te le disait pas. L'enfant Teflon le sait-tu. Si on se rappelle de ce que nous étions, nécessairement, nous allons pouvoir dire, ben, on avait les mêmes désirs que l'enfant Teflon, donc c'est un enfant comme toutes les autres. Ouais. Sauf que nous autres, on nous a tapé dessus, puis on nous a aplati. L'enfant Teflon, on tape dessus, on le tue, ou on casse la planche. Mais on ne l'aplatit pas. L'enfant Teflon n'est pas intégrable, nous avons été intégrables. Nous avons appris à être polis et à compter des menteries pour être polis. Nous avons appris à avoir peur des lois et à penser que les lois étaient là bien avant l'homme et que l'homme devait être là pour respecter la loi. Nous avons appris à craindre le monde. Nous avons appris à craindre nos dirigeants que nous votons. Nous avons appris à craindre nos rues, nos ruelles. Nous avons appris à craindre notre avenir. On a même appris à avoir des remords de notre passé. On a appris à dire comme tout le monde. On a appris à aimer un film. Et quand nos amis ne l'ont pas aimé, puis qu'on en discute, on finit par dire, c'est vrai que c'était pas si bon. On a appris ça aussi. On a appris à attendre les sondages électoraux pour savoir pour qui on vote. Pas un fou, on veut voter pour le gagnant. On a appris bien des choses. On a appris à élire des gens pour chialer contre eux autres. On a appris plein d'affaires. Alors que l'enfant Teflon, on ne peut pas apprendre ça. Ça ne colle pas sur lui. Ça ne colle pas. Qu'on ait des enfants ou pas, chose certaine. Le fait que de plus en plus de jeunes se suicident au Québec, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est le symptôme que de l'intelligence essaye de naître au Québec. Évidemment, l'endroit, le cadre dans lequel l'intelligence veut naître n'est pas encore tout à fait adéquat. Et cela engendre aussi une culpabilité irrévélée, non connue ou méconnue. Chez la majorité des jeunes capables d'avoir des enfants, ils n'en veulent pas tout de suite. Ça ne sert à rien de mettre au monde un enfant qui ne pourra pas être dans son temps et dans son monde. Un enfant qui devra s'adapter, qui devra se détruire. On ne veut pas. Plus il y aura d'enfants qui vont naître au Québec, plus ce sera des enfants Teflon, des enfants nouveaux. Plus les adultes seront capables de communiquer avec ces enfants, plus les adultes deviendront intelligents. Pas parce que l'enfant va vous éduquer. Un enfant, ça n'éduque pas les adultes. On dit ça souvent. J'ai rencontré, moi, des femmes hautement spirituelles qui disaient, « Mon premier enfant, il m'a appris la bonté. Mon deuxième enfant, il m'a appris la patience. » Remarquez que c'est intorieux. Puis là, je veux rencontrer mon voisin, parce qu'il n'a pas de mari, que j'aimerais qu'il me fasse mon troisième enfant, parce que j'aimerais apprendre de lui la sagesse. mettre des enfants au monde pour suivre tes cours. Tu t'inscris à l'école. Un enfant, ça n'enseigne rien à l'adulte. C'est l'adulte qui apprend avec la vie. L'enfant devient un événement dans la vie. Comme un automobile, un accident, une tempête de neige ou un météorite. C'est un événement dans la vie. J'écoutais, je lisais dans une revue, le mardi, je crois. Et la personne, elle disait qu'elle avait énormément souffert du suicide de son mari. Et elle avait perdu un peu avant un de ses enfants. Et dans le texte, on dit, « Je crois que mon fils est mort pour me permettre de me préparer au deuil de mon mari. » C'est écrit. C'est beau, l'égoïsme et l'orgueil. Dieu a tué mon fils, parce qu'importante comme je suis, puis tapette comme je suis, il fallait que mon fils meure pour me préparer à la mort de mon mari. Ça vaut la peine d'être un enfant. L'humain a une vision des choses qui est totalement à refaire. Et les enfants téflons ont une vision plus réaliste des choses. Étant plus réaliste dans leur vision, ayant la capacité de supporter contre l'humanité leur vision, alors l'adulte devra être transformé. Et vous savez que l'enfant téflon a un atout majeur. L'homme s'est libéré il y a un peu plus de 35 000 ans, le mâle. La femme, dans sa querelle féministe, qui était une dispute entre femmes, s'est libérée elle aussi d'un paquet de contraintes. Elle s'est autorisée à se lancer en affaires. Ce n'était pas l'homme qui l'empêchait. L'homme, il faisait les affaires. Il n'y avait qu'à dire à une femme, non, la femme, elle faisait ce que le gars disait. C'était pas bien compliqué pour le gars. La journée que la femme a dit, elle fait pareil. Madame, vous n'avez pas résisté bien longtemps. La femme se libère. Et maintenant, c'est le tour de l'enfant. L'enfant téflon a un moyen de pression que le mâle et la femelle n'ont jamais eu. Et vous verrez que toute notre société va en être ébranlée de ce moyen de pression. L'enfant téflon, et il y en a, depuis 1972, la majorité des jeunes sont nouveaux téflons. Certains ne sont pas encore assez puissants. Ils sont récupérables. Ils sont adaptables, élevables, éducables. On ne les instruit pas. On leur donne pas la capacité de réfléchir, d'être intelligent. On leur dit comment ils doivent penser. Mais la majorité sont téflons. Et de quel est leur moyen de pression majeur? Ils ne se connaissent pas. Ils sont éparpillés dans la province de Québec, ils ne se voient même pas, ils ne se rencontrent même pas, ils ne se parlent pas. Ils sont individuels et malgré tout, ils vont tout changer. Premier moyen de pression à faire réfléchir l'adulte, c'est le suicide. Plus l'enfant se suicide, plus la société a peur. La société se remet donc en question. Comment la société se remet en question? Elle se culpabilise. Et c'est dommage. Parce que les parents font la même chose. Un de leurs jeunes se suicide. Et maudit qu'il était intelligent. Il était brillant. Il était fin quand il voulait. C'est exact, c'est un enfant téflon, c'est quand il veut. Il y avait ceci, cela, cela. Il s'est suicidé. Il manquait quelque chose. Il manquait de l'intelligence, bord-ci. Et parce que les parents se culpabilisent, ils n'arrivent pas à comprendre l'idée même du message laissé dans l'événement. Il y a beaucoup de parents qui disent, « Ah oui, mais moi, mon enfant, il ne se suicidera pas. » Un enfant téflon n'est pas suicidaire. Un enfant ancien peut être suicidaire comme un homme, une femme ancienne peut être suicidaire, porté au suicide. Un enfant téflon n'est pas suicidaire. Il se suicide. Ce n'est pas pareil. Une personne suicidaire en parle. Elle menace de le faire. Elle fait peut-être des tentatives. Et bien souvent, une tentative qui manque son coup la tue. Elle ne voulait pas se suicider. Elle était suicidaire. Elle voulait attirer l'attention. Elle voulait manipuler autrui par la culpabilité que les gens peuvent vivre. Mais l'enfant téflon n'est pas suicidaire. Votre enfant est heureux. Il vit bien. Il est bon ou mauvais à l'école. Il a des amis où il n'en a pas, mais de toute façon, il n'en a pas besoin. Tout est pour le mieux. Puis à un moment donné, il n'est plus là. Alors on cherche en maudit qu'est-ce qui s'est passé. Toute la société cherche. L'automne dernier, partout dans les journaux et à la télévision, on essayait d'interviewer des spécialistes qui répondaient ignorer totalement ce qui se passait. Changement trop rapide de notre société. C'est faux, changement trop lent. Manque d'amour. C'est faux, trop d'amour. Ils ont toujours les parents collés sur eux autres comme des bonbons. Alors on cherche, et on ne trouve pas. Un enfant Teflon est intelligent. Il se plaît, il se nourrit, il déguste les réussites lorsqu'il manipule autrui, parce que ça le développe. Exactement comme une personne va écouter un poème et va poétiser avec le poète, au fur et à mesure qu'il dit son poème, il va jubiler, jouir avec. L'enfant Teflon fait la même chose quand il manipule autrui. Autant qu'une personne va écouter de la musique et va être le chef d'orchestre ou les musiciens en même temps, autant l'enfant Teflon se nourrit de la vibration qu'il a lorsqu'il regarde une personne totalement assujettie à une parole qu'il a dit ou un geste qu'il a fait. C'est son monde. Comment communiquer avec un enfant Teflon? Ne pas être manipulable par l'enfant Teflon. Ne pas être manipulable, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ne pas perdre devant un enfant Teflon, non. Vous dites à votre enfant Teflon, fais le ménage de ta chambre. Et l'enfant répond non. Alors vous lui dites, pourquoi non? Et l'enfant répond, parce que ça ne me tente pas. Et vous répliquez, c'est une bonne raison. Alors vous n'avez pas réussi à lui faire faire ce que vous vouliez. Et vous n'avez pas été manipulé par lui parce que vous avez légiféré avec lui. Alors cet enfant comprend que vous n'êtes pas un adulte. Vous n'êtes pas un adulte. Et ça, il le sait. Vous ne faites pas partie de la race débile que les enfants Teflon appellent les adultes. Les arriérés. Oh, c'est frustrant peut-être si je vous le dis, mais c'est comme ça que les jeunes appellent les adultes. Alors je vous dis comment ils le disent. La politesse ne permet rien. On n'arrive jamais à expliquer à quelqu'un quelque chose en étant poli. C'est quand on se fâche, c'est quand on dit cru que ça marche. Ça ne vaut pas la peine d'être poli. Il faut être ajusté. C'est drôlement plus respectable. Une façon bien de communiquer, on communique. On dit à l'enfant Teflon, « Faut que tu aies des bonnes notes à l'école. » Et l'enfant Teflon répond, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des notes? C'est pas ça qui me fait vivre. C'est pas ça qui me fait jouer. C'est pas ça qui me fait aimer le monde. » Et vous répondez, c'est évident. Et là, vous commencez à lui expliquer la mécanique sociale dans laquelle on est placé. Vous faites quoi? Vous faites ce que bientôt les parents et les pédagogues devront apprendre à faire. Monter l'enfant nouveau contre la société. C'est la seule façon d'éduquer un enfant nouveau. C'est de le monter contre la société. Alors le parent commence à dire, « Viens, assis-toi, je vais t'expliquer la structure sociale. » L'école est faite pour l'élite et on fait tout pour que les gens, les jeunes, coulent. On a même mis le cégep pour les écœurer avant l'université. On a eu des classes allégées où on ne leur enseignait rien de façon à être sûr qu'ils arriveraient nulle part. Mon jeune, on a besoin d'assisté sociale. Parce qu'en cas de guerre, de tremblement de terre, de crise, c'est la main-d'œuvre qu'on entretient qui sera la première à envoyer dans les décombres. Mon ami, on a besoin de chômeurs. Toute société industrielle a besoin d'un minimum de chômeurs. C'est aussi une main-d'œuvre en cas de crise. Notre société, un jour, si elle s'écroule, les assistés et les chômeurs seront ceux qui ramasseront. C'est pas l'infirmière, le médecin, le comptable qui va descendre. Jamais. En cas de guerre, l'armée régulière entraîne notre main-d'œuvre, assistée sociale et chômeurs.